Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107FM. Nous sommes le lundi 7 juin 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, nous sommes en direct, c'est Chris et je suis ravi de vous retrouver après ma petite semaine de vacances. Vous m'avez beaucoup manqué, il est vrai. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Gémozo intitulée Fréquence Libre. Et aujourd'hui c'est une émission un petit peu particulière, une nouvelle fois, car je reçois par téléphone un pharmacien, apothicaire, auteur, formateur et conférencier entre autres venant du Québec. C'est un invité à la renommée mondiale que j'avais déjà reçu il y a un peu plus d'un mois, le lundi 3 mai 2021 précisément. Donc c'est Jean-Yves Dionne. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Chris, comment ça va chez vous? Ça va bien et vous? Ah, ici ça va très bien, il fait un soleil radieux. Vous avez de la chance parce que comme en France il fait tout moche. Voilà. Donc, comme le mois dernier, quand nous avons fait notre première émission ensemble, je tenais à vous remercier, Jean-Yves, d'avoir accepté mon invitation, car je sais qu'au Québec, il n'est que 8h du matin. Donc, merci sincèrement de votre présence pour cette petite heure d'émission. Ça fait plaisir. Donc, si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs n'étaient pas présents lors de la première émission que nous avons fait ensemble, pouvez-vous vous présenter, ou dans ce cas, vous représenter en quelques mots? Oui, en quelques mots. Oui, je suis pharmacien, mais je suis une espèce de mille-pattes, un être humain d'abord. Je m'intéresse plus à la santé qu'à la maladie. Depuis très longtemps, je me suis spécialisé dans le monde des produits naturels, ce que vous appelez les compléments alimentaires en France, ce qui m'a amené à parler nutrition, alimentation, gestion du stress, physiologie, pharmacologie des substances naturelles. Bon, la liste continue. Et depuis des années, je m'évertue à faire plus de l'enseignement, de la vulgarisation, ce que je fais sur mes différentes pages, Franchement Santé, mon blog et ma page Facebook. Et j'enseigne aussi aux professionnels l'usage intelligent des produits de santé naturelle, donc ce que vous appelez encore une fois les compléments alimentaires. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça bien? Quelles sont les doses, etc., les préoccupations, les contre-indications, et surtout, à quoi ça sert tout ça, comment ça marche. D'accord. Et donc, comme je l'ai annoncé en introduction, et comme vous venez de le dire, vous étiez pharmacien, mais vous êtes surtout vulgarisateur en ce moment et professeur. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à votre ouvrage « Bon stress, bad stress, briser le cercle infernal ». Donc, quand est-ce que cet ouvrage est-il sorti? Écoutez, il est sorti au Québec, vous allez rire, le 10 mars et on a confiné le 13 mars. Ah oui. Alors, pour citer mon éditeur, c'était Bon Livre et Bad Timing. C'est un livre qui est sorti et tout a fermé. Mm-hmm. Il est arrivé en Europe, je pense que c'est au début de l'automne. Non, c'est pas vrai. En tout cas, ça fait quelques mois. Oui, c'est ça, février. 21 février, il est arrivé en Europe, en France. Dans la francophonie, mais donc ça fait pas très très longtemps qu'il est sur les tablettes. D'accord. Et donc justement, je crois savoir que cet ouvrage est disponible en version audio et en version brochée. Absolument, il existe en plusieurs versions électroniques, audio, c'est moi qui l'ai... En fait, c'est pas une lecture comme une conférence tirée du livre, mais oui, il est disponible sur toutes les plateformes. Mmh. En version audio, il est disponible chez Alexandre Stanquet, livre audio, et en format papier, on va dire, c'est chez Un Monde Différent, c'est bien ça? Ça, c'est des éditeurs, oui, tout à fait. Voilà. Mais vous allez le trouver à la FNAC un peu partout. Là. Il est vraiment rendu chez vous, sur les tablettes ou sur les plateformes. Mais justement, pourquoi avoir choisi de rendre cet ouvrage disponible en version audio et en version papier? Le but est de rejoindre le plus grand nombre de personnes, parce que cet ouvrage-là, c'est le fruit, c'est sa deuxième incarnation, c'est le fruit de plusieurs années de recherche où je m'intéresse au stress, évidemment, mais aussi à un paquet de problèmes qu'on vit dans notre société. À titre d'exemple, vous avez chez vous, comme chez nous, une collection de jeunes qui souffrent de crises d'angoisse, crises d'anxiété, troubles paniques, etc. Oui, il y a toute l'approche psychologique, l'approche respiration, voire l'approche pharmacologique, mais ce qui m'intéresse, c'est l'approche organique. Pourquoi, dans mon corps, je ressens ces sensations-là qui sont littéralement explicables, sérieusement, là, par la physiologie. Et c'est ça que je développe dans mon livre. Alors oui, il y a tout l'aspect, c'est quoi le stress, pourquoi le stress, etc. Mais dans un sens, j'invente pas la roue. Mais le lien avec l'alimentation, avec la physiologie, le lien avec la sécrétion d'hormones de stress parce que le repas d'avant avait des problèmes, c'est ça que je développe. Et là-dessus, je suis plusieurs psychiatres américains, notamment George Eade et d'autres, qui ont fait le lien entre l'hypoglycémie, qu'elle soit cliniquement présente ou pas, et l'apparition de symptômes depuis la rage au volant jusqu'à trop de panique, en passant par l'aggravation du stress. D'accord. Et donc, justement, quand vous avez écrit cet ouvrage, quel était, on va dire, le but premier? Ben écoutez, la démarche commence avec moi. Quand vous avez plusieurs incarnations à ce livre-là, il y a plusieurs articles sur mon blog qui sont le début de ça, où je reviens d'un voyage d'affaires à Toronto et j'ai virtuellement pas dormi pendant 3 jours. Pour toutes sortes de raisons. Puis là, je raconte mon histoire, puis je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Et c'est là que je m'intéresse aux alternatives, aux produits, aux techniques pour retrouver le sommeil. Parce que moi et les hôtels, on s'entend pas bien. Moi et les Wi-Fi non plus, mais ça, c'est une autre histoire. Et ça, c'est le début de la démarche. On est, je sais pas, il y a 7-8 ans. Et donc, le but du livre, c'est de résumer, de concentrer tout ça dans un seul ouvrage pour donner des solutions au plus grand nombre de personnes. Parce que si on regarde, vous allez voir votre médecin. Vous dormez pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous prescrit une pilule pour dormir. Souvent, c'est un Z ou d'autres choses. Et vous êtes pris dans une espèce de spirale où la pilule ne fait que masquer quelque chose sans régler le problème. Vous allez dormir, mais est-ce que ce sommeil sera réparateur? Est-ce que le fait de prendre ce médicament-là comporte-t-il des risques? Réponse, oui. Le fait de prendre un somnifère, selon les dernières recherches, tenez-vous bien, ça augmente votre risque de décès, pas par 1, 2, 3%, là, 5 fois, 500%. Ah oui. Alors, c'est quelque chose qu'il faut regarder de front pour se dire, OK, quelles sont les alternatives, si j'ai bel et bien un problème de sommeil, quelles sont les alternatives ou quelles sont les techniques pour gérer mon stress quand je suis dans un environnement de travail toxique? Bon, mettez toutes les variantes que vous voulez, c'est ça que j'aborde. D'accord. Donc, il est 14h08 et avant de plonger, on va dire, véritablement dans votre ouvrage « Bon stress, bad stress, briser le cercle infernal », je vous propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que vous m'avez laissé choisir. Et comme l'émission d'aujourd'hui est concentrée sur le sujet du stress, je vous propose d'écouter Marconi Union avec leur musique « Weightless », la version plus courte, car cette musique serait considérée par les scientifiques comme la musique la plus relaxante du monde. Ce serait une musique qui aurait le pouvoir apparemment de ralentir notre rythme cardiaque et nos tensions en un rien de temps. Est-ce que vous connaissez cette musique? Pas vraiment, non. J'ai pas fait beaucoup de travail. J'ai fait des travaux sur les fréquences et sur la respiration, mais pas vraiment sur la musique. D'accord. Alors, on écoute cette chanson très calme, histoire de nous détendre, voilà. Et du coup, on se retrouve d'ici un peu plus de 4 minutes. Donc, à tout de suite. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Il est 14h13. Vous venez d'écouter Marconi Union avec leur musique intitulée Weightless. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone pour la deuxième fois cette année de Jean-Yves Dionne, pharmacien, apothicaire, auteur, formateur, professeur et conférencier québécois à la renommée mondiale, entre autres, qui est là pour nous parler de son livre « Bon stress, bas stress, briser le cercle infernal ». Ça va toujours ? Ça va très bien. Parfait. Ça fait du bien une petite musique relaxante comme celle-ci en ce début d'après-midi ? Peut-être en après-midi, le matin, j'ai juste le goût de retourner me coucher. D'accord. Ah bah, surtout qu'en France, comme je le disais tout à l'heure, il pleut, il fait gris, il fait moche. Et vous, au Québec, vous avez, à ce qui paraît, enfin comme vous me l'avez dit, du soleil et un début de canicule. Absolument. Vous pouvez nous envoyer un peu de soleil en France ? Ah, j'aimerais bien, oui. Si je pouvais vous l'envoyer par mail, je le ferais. Maintenant, nous allons du coup poursuivre cette émission. Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, mais vous pouvez peut-être développer, on peut peut-être développer encore un petit peu. Qu'est-ce que nous pouvons trouver dans votre ouvrage « Bon stress, bas stress, briser le cercle infernal » ? Est-ce qu'il y a des définitions de ce qu'est le stress, des solutions pour s'en sortir ? Ben, oui, absolument. Écoutez, ça commence, le livre fait le tour de la question, mais vraiment là, de façon relativement complète, mais toujours dans cette notion d'expliquer, de faire comprendre dans un langage accessible. Mais toutes les données sont là. C'est-à-dire que c'est pas un langage simpliste, c'est un langage complet, mais accessible. Alors oui, je vous définis le stress, je vous parle de Hanselier, je vous parle de la phase d'alarme, comme le lion qui attrape la gazelle, ou l'accident d'auto, mettez ça comme vous voulez, le stress aigu, je fais la différence avec le stress chronique, ce que nous vivons tous, c'est-à-dire penser trafic, banquier, conjoint, travail, ado, ce que vous voulez, là, tout ce qui est une source de stress qui ne s'en va pas, j'en parle évidemment. Je vous cite une chercheure de Montréal qui s'appelle Sonia Lupien, qui est une des sommités mondiales dans le domaine du stress, et de son modèle CIME, qui est comment expliquer et découvrir le fameux mauvais stress, le bad stress, où on est en perte de contrôle, c'est imprévu, c'est nouveau, et on se sent menacé, ça c'est son modèle ciné, et quand on voit ça, on fait « Ah, ben oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je me sens mal, parce que... » Et après ça, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire comme individu pour diminuer un de ces quatre paramètres-là, puis en fait, il y en a cinq. Est-ce que je suis en contrôle? Est-ce que je peux améliorer mon contrôle? C'est imprévu. Est-ce qu'il y a moyen de jouer là-dessus et de reprendre une notion de contrôle malgré l'imprévu? C'est une nouveauté. Est-ce que je peux me former pour être capable de gérer ça comme il faut? Le E pour égo menacé, c'est quand l'exemple que je donne en conférence, c'est je donne une conférence devant vous, je suis confortable, je suis sur mon X, mais si je vous demande de faire la même conférence dans une salle où vous vous sentez jugé, tout vient de tomber. Et c'est là où il y a des techniques pour passer par-dessus ça. Et le cinquième paramètre, c'est l'anticipation. Alors, quand on se voit dans une situation qui est problématique, ben, on a deux attitudes possibles. Soit on est la victime de la situation, j'ai une entrevue d'évaluation à mon emploi, qu'est-ce que mon patron va dire, je vais souffrir, blablabla, bla, bla, bla. Ou l'attitude de l'athlète qui se visualise en train de gagner. Alors ça, c'est la façon d'utiliser l'anticipation de son côté comme un allié. C'est pas évident, mais ça se fait. On peut utiliser l'arrivée d'une situation qu'on sait stressante pour en tirer le meilleur, le prendre comme un défi et se voir grandi par l'expérience. Bon, ça, c'est le genre de truc que je mets, mais je vais plus loin que ça. Je vous donne des techniques, depuis la cohérence cardiaque et d'autres techniques très concrètes, jusqu'à mes chapitres fétiches, l'alimentation. Exemple, on s'est fait dire depuis des décennies de couper le sel. Foutaise. Si vous coupez le sel, vous augmentez votre taux de stress. Vous diminuez le plaisir dans la vie, vous avez plus de problèmes à libérer vos neurotransmetteurs, et je peux continuer comme ça. Pour beaucoup, beaucoup de gens, ne pas saler, ne pas utiliser du sel dans son alimentation, voire en supplément, c'est dramatique. C'est ce genre de choses-là qui est dans le livre. D'accord. Et justement, le titre de ce livre, c'est, comme nous le disions, « Bon stress, bas stress, briser le cercle infernal ». Mais qu'est-ce que vous appelez « bon stress » ? Quel est, selon vous, ce « bon stress » ? Ah oui, ça, c'est une bonne question. Sans stress, on ne vit pas, OK? Commençons par le début. Il y a deux hormones de stress qu'on connaît, vite, vite, il y en a plusieurs, mais il y en a deux principales, l'adrénaline, alias épinéphrine, et le cortisol. Quand vous vous réveillez le matin, la première hormone qui vous réveille littéralement, c'est le cortisol. Ce qui fait dire à plusieurs experts, sans stress, pas de vie. Parce que j'ai besoin, ne serait-ce que de la stimulation de l'environnement externe pour être présent. Alors, le cortisol, c'est une hormone qui fluctue dans la journée. Normalement, dans le meilleur temps, on est taux élevé le matin, taux très bas le soir, ce qui fait qu'on s'endort. Mais il y a des gens pour qui c'est perturbé, les gens qui font de la fatigue chronique, sujet que j'aborde, où le matin, le cortisol est très bas, ils ont de la misère à se réveiller, et le soir, il est élevé, ils ont de la misère à s'endormir. Mais allons plus loin que ça. On peut chercher le stress, au sens où ça peut être une stimulation pour le développement, pour le plaisir. Un exemple, vous faites du ski, vous faites un sport moindrement intense où il y a des défis, pensez au je vais aller loin là, le deltaplane ou le parapente, ou simplement le vélo. Vous faites quelque chose parce que ça vous fait plaisir. Et il y a des sensations qui viennent avec ça. Ça peut être au niveau des loisirs, comme ça peut être aussi au niveau professionnel ou même personnel d'aller chercher une activité. Je donne l'exemple que je donnais des conférences. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est stimulant. C'est clair que j'ai un stress. Monter sur scène devant 3 personnes ou 3 000 personnes, c'est un stress. Parce qu'il faut que je sois présent pour être complètement là et donner tout le message que j'ai à donner, faire en sorte que les gens dans la salle soient satisfaits d'avoir entendu la conférence, d'avoir payé pour et d'être heureux en partant, c'est mon défi. Mais c'est un défi que je recherche, j'aime ça. Donc c'est un stress qui est bénéfique, qui me permet de me dépasser. Et là, c'est ça, le bon stress. Qu'est-ce qui me donne du plaisir, me permet de me dépasser, puis faire en sorte que je sors de là satisfait de la performance. D'accord. Et justement, quand vous parlez de cercle infernal, comme dans le titre de votre ouvrage, vous englobez donc le mauvais stress, les insomnies, la fatigue, l'anxiété et d'autres éléments négatifs qui s'alimentent les uns et les autres. Donc c'est vraiment tout ça accumulé qui crée ce mauvais stress? Entre autres, oui. C'est-à-dire que si on prend un exemple, vous êtes dans un milieu de travail, vous n'êtes pas heureux ou pas heureuse. Et là, vous subissez des pressions de collègues, de patrons, juste le transport de chez vous jusque-là, le métro boulot dodo, vous met dans un état de fatigue. Vous arrivez chez vous et il est humain de prendre cette charge émotionnelle négative et la garrocher, la tirer à la personne qui vous est chère. C'est con, mais on le fait. C'est-à-dire qu'on est fatigué, on est irrité, on est irritable, arrive un petit commentaire qui n'est pas complètement plaisant et bang, on se fâche. Ça, ça fait partie du cercle. On continue. Vous êtes fatigué de votre journée, l'environnement de votre milieu familial n'est peut-être pas le plus facile parce que vous avez à gérer vos ados, par exemple, et là, vous arrivez le soir, vous êtes épuisé parce que vous avez donné votre énergie nerveuse toute la journée. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne dormez pas. Vous avez de l'insomnie, soit d'endormissement, soit, le plus fréquent, d'ailleurs, c'est la première question en conférence, première image, c'est « Avez-vous bien dormi? » Et là, je pose la question, qui a des problèmes de sommeil? Et habituellement, 80% de la salle lève la main. Alors, la plupart des gens vont avoir un problème de sommeil milieu de nuit, 2-3 heures du matin, puis là, on peut faire une référence en médecine chinoise, mais c'est pas le temps. Et là, vous vous réveillez complètement allumé. Le petit hamster fonctionne, c'est fou. Et vous vous rendormez 3 quarts d'heure, 1 heure avant le cadran, et le cadran vient vous chercher, mais vous êtes rendu en Chine. Et là, vous repartez votre journée ralentie, épuisé, et c'est le cercle vicieux de la fatigue, de l'insomnie, du stress qui vous amène à avoir toutes sortes de problèmes et vous amène à des complications physiques, depuis les maladies cardiaques jusqu'aux problèmes de peau, en passant par tout ce que vous voulez. Et ça aussi, on le décrit dans le livre. D'accord. Justement, vu que vous parlez des maladies cardiaques, des problèmes de peau, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que vous considérez justement que le corps est une merveilleuse machine qui a besoin de bons éléments pour fonctionner. Quand vous dites ça, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, dites-vous une chose, nous sommes une seule personne. La médecine actuelle veut nous diviser en petits morceaux. Hein. Il y a le cardiologue, il y a le neurologue, il y a le gastrologue. Ils sont tous avec leur log et ils sont dans une petite partie. Et ils ne se parlent pas. À l'opposé, l'être humain, c'est une seule personne. Tous nos systèmes sont interreliés, depuis les systèmes psychologiques, émotionnels, énergétiques, si vous l'avez jusque-là, physiques, tout ça, c'est relié. Alors, l'exemple que je donne, entre autres, dans le livre, c'est l'ulcère de stress. Quelqu'un qui fait un ulcère d'estomac dû au stress, c'est clair que la source est dans sa tête, au sens où c'est du stress. Mais l'ulcère est tout à fait réel. Il faut donc traiter les deux côtés. Parce que si je traite l'ulcère, mais je ne traite pas la personne, le stress, ses émotions, ben l'ulcère va revenir. Alors, pour traiter tout ça, c'est là que la notion, en donnant les bons nutriments, les bons aliments à mon corps, j'ai la capacité de m'auto-guérir, d'avoir une meilleure résistance aux différents stress. Et c'est là qu'entre toute la notion de la nutrition. Par exemple, est-ce que vous mangez trop de glucides et pas assez de lipides, en français, de tout le monde? Est-ce que dans votre alimentation, il y a trop de pain, pâtes, patates, aliments sucrés, et pas assez de huile, gras et autres aliments qui vont nourrir votre système nerveux? C'est la réalité occidentale d'énormément de gens. D'accord, donc c'est véritablement un cercle vicieux. Absolument, d'où le sous-titre. C'est vrai. D'ailleurs, nous sommes en plein dedans depuis plus d'un an et demi maintenant. Pensez-vous que la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous partout dans le monde a considérablement augmenté le stress de la population? Absolument. C'est quand je parlais du modèle ciné tout à l'heure, là, on est des figurants dans un mauvais film. On est aux prises avec un scénario sur lequel on n'a aucun contrôle, des autorités qui imposent, surtout en France, que j'ai vu, c'est pas toujours joyeux, des confinements, des ci, des ça, des obligations de rester chez soi, des incapacités de travailler, et dans notre société occidentale, ben, veut pas, le travail, c'est pas que le gagne-pain, c'est aussi la valorisation qui est là. Alors, on est aux prises avec une pression due à autant la maladie elle-même qui fait peur que des réactions du politique qui nous briment à toutes sortes de niveaux. Alors, comme individu, j'ai aucun contrôle ni sur l'un ni sur l'autre. Et ça aggrave mon stress. Au début, on peut se dire, moi ici, je travaille de chez moi la plupart du temps, c'est sûr qu'au mois de mars 2020, mon agenda est tombé à plat. Plus de conférences, plus de cours, plus rien. Je me suis réinventé en ligne, où j'ai redonné mes conférences en ligne, et il y en a toute une série, academy.apothicaire.ca, ceux qui s'attendent, c'est accessible chez vous, academy.apothicaire.ca, mais la charge de stress que j'ai vécue, tous les citoyens l'ont vécu. Que vous soyez obligé d'aller travailler dans un milieu où vous avez un peu peur de la contagion, ou encore, on vous a brimé en vous empêchant d'aller travailler, ou mettez toutes les variations du même thème, c'est atrocement difficile. Et là, au bout d'un an et quelques, on commence à sortir le bout du nez de l'eau, puis on se fait faire toutes sortes de scénarios catastrophes. Moi, je peux vous dire, soyons sérieux, l'immunité collective est déjà atteinte. Partout sur la planète, les troisième, voire quatrième vagues sont terminées. On est en train de se rendre, vaccination ou pas, là. Parce que dites-vous que les gens qui ont attrapé la COVID, 1 sur 10 a des symptômes. C'est énorme ce que je viens de dire là. Mais 9 sur 10 sont asymptomatiques ou ont eu un rhume. Et souvent, ces gens-là, on les détecte par hasard. Alors, si on prend les travaux qui ont été faits ici même à Montréal ou en Angleterre, on est déjà rendu aux 75% d'immunité collective. Alors qu'on ait du vaccin ou pas, la maladie est en train de s'en aller. Mais attendons, à l'automne, il y aura un glitch qui va faire peur à tout le monde, quelques cas qui vont faire on retourne, puis finalement, ça va s'éteindre tout seul. Ça, c'est ma perception. D'accord. Et justement, dans votre livre, vous parlez également de néfaste food. Donc, quand vous parlez de néfaste food, est-ce que c'est, par exemple, les fast food ou est-ce que c'est tout autre chose? Non, c'est ça, mais un petit peu plus. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai créé ce mot-là qui est un espèce de jeu de mots sur fast food à l'américaine et néfaste, le mot français, parce que c'est un peu plus évident en français que c'est mauvais, cette affaire-là. Mais c'est pas exclusivement dans les restaurants. Si vous allez dans une épicerie, et vous regardez tous les aliments pré-emballés. La géographie d'une épicerie chez vous n'est pas la même qu'ici, mais ici, on dit dans les allées du milieu versus les allées extérieures où on a des aliments frais. Mais prenez n'importe quel aliment pré-emballé, regardez la liste des ingrédients, et quand il y a des ingrédients qu'on ne connaît pas ou qu'on n'aurait pas dans sa propre cuisine, c'est du néfaste food. tout ce qui est prêt à manger. Posez-vous des questions. Comment est-ce que votre pâtisserie ou votre, peu importe, reste frais quand si vous aviez préparé cette pâtisserie-là ou cet aliment-là dans votre cuisine, au bout de 24 heures, elle serait dure? Il y a plein d'additifs qui sont mis là. Il y a des farines blanches blanchies qui sont là. Il y a toutes sortes d'ingrédients qu'on ne mangerait pas si on préparait le même aliment. C'est ça du néfaste food. Alors que ce soit le sac de chips qu'on achète, ou que ce soit la boisson gazeuse, ou que ce soit n'importe quoi, je me fous que ce soit dans un restaurant de fast-food d'une chaîne américaine, ou que ce soit dans un café. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allé à Paris, je trouve ça atroce, parce que je me promenais dans un quartier, bon, c'était pas Paris, c'était dans le coin de la Défense, et le seul café qu'il y avait dans la région, c'était un Starbucks. Pour la France, j'ai trouvé ça frustrant. Parce que je me dis, là-bas, vous êtes supposé avoir les bons aliments dans les bons restaurants. Et là, ce que je trouve, c'est un Starbucks. Et plus loin, c'est un McDo. Hein? Quelle horreur! Quel choc culturel! Mais ceci étant dit, quand on se promène dans nos cuisines, ils sont déjà omniprésents, ces aliments-là, préfabriqués, livrés tout faits. C'est ça, du néfaste food. D'accord. Donc, justement, est-ce que vous pensez que ce néfaste food peut augmenter le stress de quelque manière que ce soit? Absolument. C'est pour ça que j'en parle. Alors, par exemple, si mémoire est bonne, c'est quelque part en 2002, le magazine JAMA publie une étude sur les colorants alimentaires et l'impact sur l'hyperactivité chez les jeunes. On s'aperçoit qu'énormément de jeunes sont sensibles, puis des jeunes, des adultes aussi, sont sensibles aux additifs, principalement aux colorants, et j'en parle dans le bouquin, et qu'il y a plusieurs papiers qui ont été faits et des protocoles d'études où on a soumis ces mêmes personnes-là à une alimentation sans aucun additif. Il y a une dame extraordinaire en Australie qui s'appelle Sue Dengate, D-E-N-G-A-T-E, qui a fait un travail fascinant et des projets pilotes dans des écoles où elle embrigade les profs, les parents, les enfants, tout le monde, le directeur inclus. Et durant tout un temps, on a une cuisine sans aucun additif. Le comportement des enfants se calme. Le directeur dit dans un de ses vidéos, dit « Bon an, mal an, moi j'ai 3-4 étudiants ou enfants dans mon bureau par jour. » Là, ça fait 3 semaines qu'on a commencé, je n'en ai pas un seul. Alors, c'est là la démonstration que l'alimentation moderne, contemporaine, ultra-synthétique, pleine de substances qui, en passant, n'ont jamais été démontrées sécuritaires dans l'alimentation, parce que nos gouvernements ne font pas ce genre de travail-là. Ils se fient aux compagnies, et les compagnies nous présentent des belles études sur des souris qui durent 3 mois. Je m'excuse, je ne suis pas une souris, et si je mange un aliment ou un additif, ce sera plus que 3 mois de ma vie. Alors, tout ça fait en sorte qu'on a une alimentation truffée de substances qui sont potentiellement néfastes pour le système nerveux. Et un point qui est typique France et communauté européenne, mais qui n'est pas vrai ici, nous, ici, on met le mot de l'aliment. Alors, le nom, le colorant, machin, chez vous, pour une raison X que je ne comprends pas, les gouvernements ont choisi de mettre des codes. Alors, tous les E avec 2-3 chiffres après, c'est les noms de code pour ces additifs. Certains sont bénins. La lécithine, qui est un dérivé du soya ou du tournesol, qui est tout à fait bénin, c'est le E322. Mais il y en a d'autres, je ne connais pas les codes, mais c'est des poisons, ces choses-là, là. Des colorants FDC20, Yellow Sunset, les noms qu'on a ici, je sais que c'est pas bon pour mon système nerveux, mais quand c'est E300 quelque chose ou E200 quelque chose, je ne sais plus. Et ça, je trouve ça pervers. Oui, c'est un petit peu fourbe, du coup. Tout à fait. Donc, il est 14h32. Avant de poursuivre à nouveau, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence, dans une deuxième pause musicale d'un groupe que vous m'aviez soumis en amont de notre première émission, mais que nous n'avions malheureusement pas pu passer, Beers Den. Et j'ai choisi leur titre Laurel Worth, je ne sais pas si je le prononce bien, la version de confinement dans laquelle il y a la collaboration de leurs fans. Une nouvelle fois, pour les quelques références à l'origine, cette chanson est sortie en 2009 et est tirée de leur album So That You Might Hear Me. Donc on écoute ce morceau de Beers Den et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite. Oh, êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct, il est 14h38. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter le groupe Beers Den avec leur morceau version confinement, avec la collaboration de leurs fans. Leur morceau intitulé Laurel With. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Jean-Yves Dionne, auteur, apothicaire, formateur, coach santé, conférencier, professeur québécois, entre autres. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Jean-Yves ? Ah, absolument, absolument. Parfait. Donc, toujours en préparant cette émission, et comme le dit le résumé de votre ouvrage sur la quatrième de couverture, et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure d'ailleurs, vous vous intéressez depuis toujours aux causes des troubles de santé, mais plutôt que de traiter la maladie, vous soignez l'humain dans sa globalité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ah, belle question. Je suis en porte-à-faux avec le système médical actuel. C'est-à-dire que en médecine, en pharmacie, la formation que nous avons depuis, je ne sais pas, trop longtemps, c'est symptôme égale médicament. Le problème, c'est qu'on ne se pose jamais la question pourquoi le symptôme. Et ça, c'est tout le mouvement qu'on appelle la médecine fonctionnelle aux États-Unis, mais c'est en même temps à peu près toutes les écoles traditionnelles qui vont nous dire tu as tel problème parce que. Et mon intérêt depuis très, très, très longtemps, c'est de trouver le pourquoi. Pourquoi on a tel problème? Pourquoi? Un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si vous n'avez pas assez de sel dans votre alimentation, vous avez plus de problèmes à libérer les neurotransmetteurs, les messagers dans votre cerveau, comme la dopamine, qui est le messager de la satisfaction. À titre d'exemple, si vous êtes accro à une drogue comme la cocaïne libère une quantité faramineuse de dopamine, ça vous donne cet état de satisfaction, de vigilance, d'ultra-vigilance, etc., que les gens adorent et deviennent accros. Alors si, au départ, vous n'avez pas assez du nutriment de base pour que ce système-là fonctionne, ne serait-ce que normalement, bien, tout est plate. Vous faites de l'anédonie. Anédonie, manque de plaisir dans la vie. Et juste le fait de rajouter du sel, tout s'éclaire. Alors, c'est ce genre de recherche que je fais là, et je reçois, vous, tous les matins, j'ai des newsletters, j'ai des séries de références scientifiques, et je prends une bonne heure tous les jours à éplucher tout ça pour trouver ce qui est pertinent. Et ce qui me déçoit le plus, c'est à chaque fois que j'ai des études où on s'intéresse à un mécanisme, on a trouvé telle chose, telle protéine fait telle chose, et on va faire un médicament. Là, je décroche. Dites-moi la même information avec qu'est-ce qui active, qu'est-ce qui inhibe, ça m'intéresse. Alors, par exemple, vous avez appris que vous avez tel ou tel gène récessif, blablabla, qui est un facteur de risque de telle ou telle maladie. Si on arrête là, tout ce qu'on vient de vous faire, c'est augmenter votre angoisse. Parce que vous avez une épée de Damoclès de « je suis plus sensible à telle ou telle maladie potentiellement dramatique ». Exemple, Angelina Jolie s'est fait enlever les deux seins parce qu'elle avait un gène qui était associé à un cancer très, très, très agressif du sein. Ben, vous m'excuserez, moi je trouve ça absurde. Parce que ce qu'on aurait dû faire, c'est dire « ce gène-là, il est activé par quoi ?» Est-ce que le fait de manger d'une façon X vous protège et est-ce que le fait de manger d'une façon Y vous augmente le risque à cause de cette caractéristique-là? Et ça, c'est ce que j'aime. Est-ce que je suis capable de trouver dans mon alimentation, dans mon environnement, dans ma façon de vivre, dans les suppléments que je peux prendre qui vont améliorer ma santé? Parce que le but, c'est ça. Moi, je fais dans l'amélioration de la santé. J'essaie d'aider mes clients, parce que oui, je vois des gens en consultation privée partout sur la planète, puisque tout se fait en ligne de nos jours. J'ai des gens en France, j'ai des gens en Afrique, j'ai des gens dans les pays arabes. Mais le but, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que les symptômes X disparaissent, pas en les bloquant, en trouvant la source et en améliorant la santé. Et ça fait que pour moi, en particulier comme être humain, je cherche à améliorer ma qualité de vie, à améliorer mon espérance de vie en santé, de sorte que si je peux allonger la vie, bravo, mais si je peux être en santé heureux jusqu'au bout, ça c'est le but. D'accord. Donc justement, comme vous l'avez dit au début de votre réponse, en médecine en général, symptômes égale médicaments, donc est-ce que vous, selon vous, c'est un peu la solution de faciliter, entre guillemets, cette chose de symptômes-médicaments? Absolument. C'est sûr que c'est de la facilité. Quand vous rentrez dans le bureau du médecin et vous avez chrono en main 7 minutes pour lui parler, le médecin n'a pas le temps de faire l'anamnèse au complet. C'est quand la dernière fois qu'un médecin vous a touché, palpé l'abdomen et que sais-je? Ça arrive à peu près pas. Ils n'ont pas le temps. Ils sont pressurisés par une machine. Je ne prendrai pas leur place. Sérieux, là? Et donc, on a développé, puis selon certains, la formation médicale, puis je vais parler de mon point de vue, je suis pharmacien, donc théoriquement l'expert du médicament, mais notre formation est en silo, ce qui fait que pour moi, comme pharmacien, si je pense exclusivement comme ce qu'on me montre à l'école, ben maladie égale médicament. Puis non, maladie égale désordre, trouvons le désordre, corrigeons le désordre, et le médicament, s'il a besoin d'être utilisé, c'est une béquille à utiliser en aigu jusqu'à ce que j'ai trouvé la façon d'améliorer le terrain. Voyez-vous, c'est tous des mots de médecine traditionnelle, ceux qui apparaissent. Et mon terrain pourra évoluer vers une amélioration et le médicament devient superflu. Prenez un exemple. Quelqu'un fait de l'hypertension ou de l'insomnie, peu importe. Et tant qu'on n'a pas trouvé le pourquoi, ben, ces gens-là vont être aux prises avec leurs médicaments pour l'hypertension ou l'insomnie. Mais quand j'ai trouvé le pourquoi, quand on a fait des changements dans le style de vie, qu'on démontre à la personne, ben, votre hypertension est due à telle approche alimentaire que vous prenez de façon inconsciente depuis 40 ans, on va la changer et je vous parie que d'ici un an, le besoin de votre médicament va réduire. Et voici les symptômes clés à regarder qui vont vous dire que le médicament est trop fort. Ou si vous les suivez avec un sphygmo, un appareil à pression, ben voici la cible thérapeutique en deçà de quoi il est temps de réduire le médicament. On ajuste, éventuellement, on se passe du médicament, puis on a retrouvé la santé. Alors que ce soit l'insomnie ou l'anxiété, ou je me suis surtout intéressé au système neurologique, le système nerveux central, donc tout ce qu'on appelle stress, anxiété, insomnie, troubles paniques, etc., en parlant du lien alimentaire. Mais il y a toutes sortes d'autres choses. Là, je parle aussi de l'effet des technologies sans fil qui agressent mon système nerveux. Il y a beaucoup de détracteurs qui vont dire que c'est farfelu, mais il y a plein d'études qui montrent que si on n'est pas capable de prouver l'hypersensibilité hors de tout doute, on est capable de prouver que tout le monde ressent des ondes Wi-Fi et autres sans fil au niveau du cerveau. Alors, sachons-le et agissons en conséquence. D'accord. Nous pouvons également voir sur la quatrième de couverture que le stress est partout et que pour certains, il agit comme propulseur leur permettant de mieux performer, mais que pour d'autres, la pression les entrave, les bloque jusqu'à les écraser. Donc, comment expliquez-vous une telle différence entre les différentes personnes? Bon, c'est un petit peu ce que je vous expliquais au début, la différence entre le bon et le mauvais. Ça, c'est une partie. Alors, si je subis, puis je répète les cinq critères, là, perte de contrôle, c'est imprévu, c'est nouveau, je me sens menacé et je suis dans l'anticipation d'un désastre, ça m'affecte. Mais de l'autre côté, je peux chercher le stress pour aller chercher une valorisation, une satisfaction, un plaisir, ça, c'est l'autre côté. Mais pourquoi certains, dans la même situation, se sentent écrasés par la pression, se sentent dévalorisés au-delà des caractères que j'ai décrit, les cinq critères, il y a aussi la capacité du corps de résister à ça. Parce que physiologiquement parlant, nous sommes très bien conçus pour le stress aigu. Mais le stress chronique, on n'est pas bien fait pour ça. Et on vit tous là-dedans. Alors c'est là où il faut comprendre, OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon état d'énergie, ma capacité de résister, ce qu'on appelle la résilience, un peu comme l'élastique, qui s'étire et revient, ça va très bien. Ça, c'est ce qu'on veut. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a l'activité physique. Est-ce que vous en faites ou pas? Vous n'avez pas le temps d'en faire. Si oui, est-ce que celle que vous faites vous convient? Est-ce que c'est un plaisir pour vous ou c'est un stress de plus? Il faut se poser la question. Et ça peut être simplement sortir dehors, marcher, regarder les arbres. Juste ça, c'est bon pour l'esprit. Alors, il y a toutes sortes d'aspects comme ça où on peut nourrir le corps et l'esprit de sorte que advienne le même événement, aussi stressant, avec la même charge négative, ma résistance est meilleure. Et c'est ça la grosse, grosse distinction. Est-ce que je suis capable de résister au stress et de passer par-dessus? Est-ce que je suis capable de relativiser l'événement négatif? Est-ce que je suis capable de me valoriser moi-même? Est-ce que mon corps a cette capacité de résistance? Un exemple. J'ai parlé des deux hormones de stress, le cortisol et l'adrénaline, qui sont produites par deux glandes qui sont au-dessus du rein. On les appelle les surrénales. Bien, un des outils que je peux prendre pour que mon corps résiste mieux au stress et s'adapte mieux, c'est la quantité d'oméga-3 que je consomme en aliments ou en suppléments. Il y a un lien direct entre le taux d'oméga-3 et ma capacité de vivre un stress correctement. Alors, c'est tout ça l'idée. Autant c'est psychologique, c'est physique, c'est nutritionnel. Tout ça, ça fait partie, je vous le répète, on est une personne. On n'est pas un paquet de petits morceaux. D'accord. Et justement, dans votre ouvrage, pour combattre le stress, vous parlez de thérapie douce. Donc, pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément le langage médical, qu'est-ce que les thérapies douces? C'est à peu près tout ce qui n'est pas médical. D'accord. Alors, pensez à la respiration, pensez à la cohérence cardiaque, pensez au massage, pensez à la polarité, au reiki, à ce que vous voulez. Tout ce qui va vous aider à vous grounder, à vous mettre dans le moment présent. Ça, c'est ce qu'on va appeler des thérapies douces, parce que je ne suis pas capable de quantifier ça. Je n'ai pas un lobby qui fait de l'argent avec ça. Je n'ai pas de médicaments avec une marge de profit. J'ai une action que je peux faire, je, moi, toi, peut faire pour améliorer ma présence, mon état. Alors que ce soit de la pleine conscience, il y a plein de ces outils-là qui ne sont pas détenus par quelqu'un, qu'on peut incorporer soi-même, alors soit avec un thérapeute, soit avec un groupe, soit carrément en ligne avec YouTube, aller chercher. La cohérence cardiaque, par exemple, c'est d'une simplicité folle. Tout ce que c'est respirer sur 10 secondes. J'inspire et j'expire. Alors, ça peut être 5 secondes, j'inspire, 5 secondes, j'expire, mais ça peut être 4, 6 ou 6, 4, pourvu que ça fasse 10 secondes. Et je répète ça pendant 5 minutes. Le défi, c'est d'être à l'écoute de sa respiration et de ne faire que ça. Parce que la minute que je me mets à réfléchir ou à penser à autre chose, la cohérence disparaît. Alors, la cohérence, c'est quoi? C'est la capacité du cerveau et du cœur de vibrer selon une même fréquence. Mes hormones de stress diminuent. En 3 minutes, on peut mesurer la réduction du cortisol. Et il y a un état de bien-être qui apparaît. État de bien-être qui dure dans le temps. Alors, le grand expert, c'est un homme de Montréal, qui s'appelle David O'Hare, mais c'est une technique qui est mondialement utilisée, qui, en fait, à la base, c'est qu'on a constaté que dans toutes les traditions, réciter une prière nous amène dans cet état-là. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de mesurer qu'est-ce qui est commun partout. Alors, il y a l'aspect transcendant de la prière. Oublions ça un instant. Ça peut vibrer chez vous comme ça peut ne pas vibrer chez vous. Allons vers l'organique. Bien, la fréquence de respiration nous amène dans cet état de bien-être, de relaxation en 5 minutes. Et plus on répète ça, alors David O'Hare suggère de faire ça 3 fois par jour, donc matin, avant dîner, avant de quitter la fin de la journée de travail. Mais si c'est trop, moi je vous dis une fois par jour, là, faites-le un moment, on suggère le matin, mais le moment qui vous convient, faites-le tous les jours. Et je parie que si vous tenez 3 semaines à tous les jours, vous ne voudrez pas arrêter. D'accord. Donc justement, cet exercice de respiration, on peut comparer ça à de la méditation? C'est une forme facile de méditation. Je décris aussi un petit peu la pleine conscience sans être un expert. Vous avez un expert extraordinaire qui s'appelle Christophe André en France. Donc, je ne vais pas là-bas. Mais l'idée, pourquoi j'aime tellement la cohérence cardiaque, c'est que c'est 5 minutes. C'est pas 20, c'est pas une heure. J'ai pas une heure, je m'excuse. Là, je vis dans le tordeur, je vis dans la vitesse. Je suis un citoyen lambda comme tout le monde. Mais 5 minutes, ah, ben là, oui, je peux aborder ça. Si jamais ce 5 minutes-là m'amène à découvrir autre chose, bravo. Mais si je reste juste dans mon petit 5 minutes, j'ai déjà un bénéfice qui est mesurable sur ma qualité de vie, sur ma distance par rapport au stress négatif, où je peux le relativiser simplement par ce petit exercice. D'accord. Du coup, toujours en faisant des recherches en amont de cette émission et grâce aussi aux différents articles que vous m'avez envoyés sur lesquels je me suis appuyé pour préparer mes questions, j'ai pu lire que vous êtes, je cite, un thérapeute humain qui parle droit au cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon but dans la vie, c'est d'aider les gens. Alors, oui, j'explique, les mots techniques sont là. Je les traduis dans un langage, la vulgarisation. Mais mon but, c'est faire en sorte que, quand je parle, et si vous voulez vous amuser, allez sur Facebook, ma page en Indienne Franchement Santé, vous allez voir des vidéos live, il y en a, et mon but, c'est de faire en sorte que mon message passe pour donner un outil utilisable. Et ce faisant, il faut que je parle à la personne. Je ne peux pas rester dans la théorie. Ça doit être concret. C'est ce qu'on appelle en pédagogie l'andragogie. Quand je parle à un adulte, si j'explique un concept et ce concept-là n'a pas de relation avec votre réalité à vous, vous allez l'entendre, vous allez le comprendre, vous allez l'oublier. Tandis que si le même concept, je vous l'explique, mais je le fais rentrer en relation avec votre réalité à vous, ah, là j'ai quelque chose. Là je touche une fibre qui fait que vous allez écouter, vous dites, ah, oh, mais j'aime ça. Ah, oh, mais c'est vrai. Ben, je vais essayer. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est de parler à la personne, une à la fois, même si en ligne, je ne sais pas, j'ai 6000 personnes en même temps. Le but n'est pas là. Le but est de toucher chaque personne à quelque part. Bon, je dis parler droit au cœur, mais l'idée, c'est de toucher une fibre qui vibre chez cette personne-là, qui fait, ah oui. Et quand on trouve le ah oui, le Eureka, ben là, on touche la capacité de la personne de s'aider elle-même. Et c'est ça que je veux faire. D'accord. Nous ne l'avons pas encore dit d'ailleurs dans cette émission, mais vous êtes également l'auteur de l'ouvrage SOS, OS des os solides à tout âge. Oui, tout à fait. SOS, c'était mon bon, ce serait pas mon premier bouquin, c'est un bouquin qui est déjà 2017, sur la santé des os. Et qui cherche à démontre que l'ostéoporose n'est pas une fatalité, que non, on ne cassera pas en avançant en âge. J'ai d'ailleurs en ce moment un webinaire sur ma plateforme académie.apothicaire.ca qui est la version enseignement de ce livre-là qui s'appelle Santé des os. Le premier chapitre a eu lieu jeudi dernier, mais ils sont tous enregistrés, et le deuxième aura lieu ce jeudi 10. Le but, c'est d'enlever le discours de peur. Et je m'explique. Vous avez eu un test de densitométrie. On vous dit, votre médecin vous dit, vous avez des os d'une vieille de 80 ans, vous allez casser. OK. Ça s'appelle un discours émotionnel, discours de peur. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je désarticule ce discours-là avec des faits, avec une réalité. Je désarticule le test qui est utilisé pour dire que ce test-là ne dit absolument pas votre risque de fracture. C'est un facteur de risque. Et je vous enseigne comment reprendre le contrôle. Alors que ce soit l'ostéoporose ou le risque de fracture, qui est réel, hein, parce que la maladie, c'est pas l'ostéoporose, c'est la fracture. Comment peut-on prévenir la fracture à tout âge? Le livre, à l'époque, s'appelait SOS Os des os solides à tout âge. Parce que c'est vrai, il n'y a pas de raison de casser à 100 ans comme pas plus qu'à 16 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au-delà du diagnostic, il faut avoir un plan d'action. Comment est-ce que je peux prendre le contrôle de ma vie, dans ce cas-ci des os, dans le cas de mon stress de ma tête, avec une approche pragmatique? Qu'est-ce que je peux faire comme individu pour faire en sorte que le problème en question, s'il est là, on le fasse disparaître, et s'il n'est pas là, qu'il n'apparaisse pas? D'accord. Donc justement, ça pourrait être un sujet intéressant à traiter. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire une troisième émission ensemble pour parler de cet ouvrage? Ben, le problème, c'est pas que je veux pas, ça va faire grand plaisir, mais il n'est plus édité. Ah! Il faudrait que je trouve un éditeur pour le repartir, et c'était chez Wiley's, puis ils m'ont comme fait savoir que c'était pas un créneau dans lequel ils étaient intéressés, donc il faudrait que je le réécrive pour le mettre à jour. C'est un peu pour ça que je suis allé vers les webinaires en ligne, parce que c'est beaucoup plus accessible. Ça demande pour les gens qui écoutent un investissement plus rapide que de prendre un livre et de se le taper les 200-300 pages. Là, vous avez, dans le cas de Santé des os, c'est 2 fois 1h30, mais c'est concret. Vous avez des documents téléchargés, tout est là, tout est disponible. C'est le mot à la mode transparent, où on donne tout ce qu'il faut et on sort de chacun des webinaires. Il y en a une collection, je suis rendu à 16, je crois. sur toutes sortes de sujets, le cholestérol, le stress est là, l'immunité. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour me prendre en main avec des outils que je peux contrôler? La marotte se répète, mais le but, c'est de décrocher de cette espèce de paternalisme médical qui fait que dès que j'ai un problème, j'ai besoin d'un thérapeute. J'ai besoin du médecin. En aigu, oui, je sors d'un accident d'automobile, j'ai le bras gauche dans la main droite, puis il est déconnecté, puis ça saigne. C'est pas le temps de prendre des granules homéopathiques. Par contre, dans ma vie de tous les jours, le plus je peux être conscient de l'effet de ce que je fais, le plus je suis un citoyen en santé et j'ai moins besoin du système médical. D'accord. Du coup, comme notre première émission, on aurait encore énormément de choses à dire, mais malheureusement, nous sommes un petit peu pris par le temps, donc nous allons devoir conclure. Donc c'est ainsi que se termine du coup cette édition de Fréquence Libre. Je vous remercie une nouvelle fois, sincèrement, Jean-Yves, d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, mardi à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page de Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse avec Gérard d'ici un peu plus d'une minute à 15h pour Salut les 60. Et cette semaine, Gérard nous parlera de France Gall, né le 9 octobre 1947. Est décédé le 7 janvier 2018. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mardi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone une nouvelle fois, et toujours dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Gemozo et l'agence d'artistes Salut, le bureau de Lilith, Claire Gimat, qui sera là pour nous parler de sa carrière de chanteuse et qui nous parlera de son album 10 titres intitulé Sorcière, sorti le vendredi 9 avril dernier. Donc merci de votre fidélité à Radio Gemozo et je vous dis à demain. Donc salut et à demain.